Le Parti communiste de la Fédération de Russie et l'Union des partis communistes, Parti communiste de l'Union soviétique, ont fait parvenir les pierres commémoratives au monument aux idées du Tutsi. Le secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Kazbek Taïsaïev, qui conduit la délégation unie des partis politiques de Russie et des pays de la communauté des États indépendants en visite en Corée, les a transmises le 28 à un cadre coréen intéressé devant le monument aux idées du Tutsi.